Section 22 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, deuxième partie, les connaissances scientifiques, suite, par Paul Tannery. La matière et la forme. Ainsi, le dogmatisme d'Aristote ne règne qu'en apparence. En réalité, il recouvre pour les choses de la nature un probabilisme tout à fait semblable à celui qui fut inauguré par Épicure et qui est essentiellement contraire à l'idée même du progrès dans la science. D'autre part, les inventions pratiques n'ont pas suffisamment différencié les besoins ordinaires de la vie par rapport à ceux de l'Antiquité pour imposer la recherche de nouvelles solutions dans les questions qui nous paraissent capitales, mais qui n'avaient encore été étudiées qu'insuffisamment parce qu'elles ne présentaient pas l'intérêt majeur au point de vue des applications. Le problème principal qui s'agite concerne donc les idées générales que l'on doit se faire de la constitution des corps naturels. Aristote avait constitué le concept de matière en l'appliquant à un substratum universel et supposé identique, toute différenciation provenant d'une forme. La matière n'apparaît donc que sous des formes, et c'est à celle-ci qu'appartient la réalité substantielle. Les formes sont d'ailleurs opposées entre elles, froid et chaud, sec et humide, etc., les corps naturels résultent d'une combinaison d'éléments, la terre froide et sèche, l'eau froide et humide, l'air chaud et humide, le feu chaud et sec, qui ne sont nullement invariables, puisque si leur matière est impérissable, leurs formes peuvent changer. Ainsi le feu, perdant la forme du sec et prenant celle de l'humide, deviendra de l'air. Mais comment doit-on concevoir cette combinaison des éléments qui constituent les corps naturels? Les formes substantielles persistent-elles réellement en actes, ou doit-on ne plus les reconnaître qu'en puissance? Dira-t-on par exemple que dans une température donnée, le froid et le chaud coexistent? Cette solution, à part certaines subtilités dans le détail desquelles il est inutile de pénétrer, prédomine tout d'abord. C'est celle d'Albert le Grand, comme c'est en fait l'idée qui guide les alchimistes arabes dans leur poursuite de la transmutation des corps. Au contraire, Thomas d'Aquin nie la persistance des formes substantielles. Il est réduit ainsi de fait au rang de simple mode ou qualité, et il y a là, dans le sens de la pensée moderne, un progrès incontestable. Malheureusement, sa doctrine est exposée avec plus de profondeur que de clarté, et les conséquences logiques n'apparaissent pas dans toute leur plénitude. Roger Bacon nie au contraire la question même. Pour lui, la réalité appartient aux composés de matière et de forme. Et loin de reconnaître l'unité de la matière, il va jusqu'à affirmer qu'elle diffère et d'un élément à l'autre et d'un corps naturel à ces éléments. La forme n'est plus chez lui qu'un terme logique, quoique le nouveau concept de matière qu'il cherche à constituer ne soit pas suffisamment précis, il est beaucoup plus voisin d'une autre que celui d'Aristote. Au XIVe siècle, le problème se précise, et la doctrine de Thomas d'Aquin reçoit un développement d'une haute importance. Dans les conceptions primitives, les formes sont comme des substances impérissables, qui se mélangent en quantités déterminées. Dans tel gris, il y a tant de blanc et tant de noir. Désormais, la forme n'est plus qu'une qualité physique, variable, suivant divers degrés d'une échelle continue. Ce gris est d'une telle intensité à partir du terme extrême blanc ou noir absolu considéré. L'intensité de la forme s'appelle sa largeur, latitudo, et on explique que ces variations peuvent être mathématiquement représentées. Si on figure le temps, par exemple, au moyen d'une longueur portée sur une droite à partir d'un point origine, on portera sur une perpendiculaire à l'extrémité de cette longueur la largeur de la forme au moment considéré. C'est tout à fait la représentation moderne de la variation d'un phénomène au moyen de l'ordonnée courante d'une courbe. Elle a été enseignée d'une façon habituelle dans les universités depuis le milieu du XIVe siècle jusqu'au commencement du XVIIe, et l'on écrivit de nombreux traités et commentaires sur les largeurs des formes. Les plus anciens sont dus à Richard Suisset, Swineshead, moine anglais de l'ordre de Cîteaux, vers 1350, et au français Nicolas Oresme, sans que l'on ait jusqu'à présent tranché définitivement entre eux la question de priorité, ni remonté à l'idée mère d'une invention qu'aucun des deux ne semble s'attribuer, mais que le second en particulier a très amplement développée. Au XVe siècle, le penseur le plus original est sans contredit Nicolas de Cuès. Son livre « De l'ignorance savante » oppose à la physique régnante un programme tout nouveau, non dans ses parties, mais dans leur combinaison. La connaissance consiste dans une mesure numérique. L'expérience hautement recommandée doit donc toujours se faire avec des déterminations mathématiques, et en particulier dans l'étude de la nature, c'est la balance à la main qu'il faut procéder. Ajoutons comme ombre au tableau que dans les expériences qu'il indique, Cuès ne soupçonne aucunement les causes d'erreurs qui rendaient ces mesures purement illusoires. La difficulté est de trouver l'unité absolue dans le continu de l'univers concret, parce que l'unité logique doit être indivisible. Le problème se résout par l'identité des contraires dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, formule hardie dont Cuès est l'inventeur et dont il fait les applications les plus singulières. Il ressuscite d'ailleurs la notion des atomes étendus, indivisibles en actes, non en puissance, sans cependant affirmer l'existence du vide, contre la possibilité duquel les arguments d'Aristote ont paru décisifs pendant tout le Moyen Âge. Il considère le mouvement comme essentiel aux atomes et par suite à tous les corps, ce qui le conduit à nier l'immobilité de la Terre. Il déclare enfin impossible d'arriver à résoudre les corps concrets en éléments absolument simples. Il est incontestable en résumé que si, pendant cette longue période, la science proprement dite ne progresse point, l'esprit humain subit une évolution marquée et qu'il ne reste nullement emprisonné dans le cercle des idées de l'Antiquité. L'héritage qu'il a reçu et auquel il s'attache fortement est, à bien des égards, un embarras comme un bâton trop lourd dont l'enfant veut céder pour gravir la pente escarpée. La gêne apparaît dans ses tâtonnements incertains et il n'évite ni les faux pas ni les chutes. Mais la marche n'en sera que plus assurée lorsque l'adolescent exercé ne sentira plus le fardeau. Chimie. Aux discussions théoriques sur la composition des corps naturels s'oppose la poursuite pratique de leur transmutation. De bonne heure, les artisans de l'Antiquité avaient possédé des recettes de métier pour imiter l'or, l'argent et les pierres précieuses. Comme à cette époque, l'imitation ne se distinguait guère du vrai que comme une espèce du même genre et qu'on lui attribuait le même nom, des recettes de cette sorte furent prises comme donnant des moyens de fabrication. Elles furent réunies, aux environs du commencement de l'ère chrétienne, dans des recueils mis sous des noms supposés, comme celui de Démocrite, et transmis avec un certain mystère, ainsi qu'au reste il se faisait pour les procédés de manipulation eux-mêmes, car il s'agissait de pratiques pouvant au moins donner lieu à des fraudes et qui par suite attiraient la surveillance des autorités. L'application de ces recettes devait faire aisément reconnaître qu'elles ne pouvaient servir à une fabrication véritable. Mais la transmutation des métaux ne paraissait nullement impossible a priori, et les obscurités de la rédaction, le mystère dans la transmission, conduisirent à penser que les recueils en question renfermaient en réalité le secret de la production des métaux précieux, déguisés sous des expressions conventionnelles et mystiques. Cette idée fut développée, au IIIe siècle, par un Égyptien hellénisé, Zosime, qui paraît avoir appartenu à une secte chrétienne gnostique et fut le véritable fondateur de l'alchimie. Il composa dans une langue obscure et demi-barbare de nombreux écrits perdus en grande partie, où il amalgama les anciennes superstitions de son pays aux croyances nouvelles, et qui furent le point de départ de toute une littérature analogue. L'art sacré, comme l'appelèrent les adeptes, semble avoir été particulièrement cultivé par les chrétiens. La plupart des auteurs continuèrent, suivant les errements antérieurs, à mettre leurs écrits sous des noms légendaires ou à déguiser leur personnalité. Et cet usage, perpétué tant qu'il y eut des alchimistes, rend leur histoire extrêmement difficile. En tout cas, un autre courant d'idées, particulièrement accusé chez Olympiodore au VIe siècle, vint modifier dans une certaine mesure le caractère absolument mystique imprimé par Zosime à ses doctrines. On chercha à les mettre d'accord avec les conceptions classiques que s'étaient formées les philosophes sur la constitution des corps, et un échafaudage d'apparence rationnelle soutint les fantastiques imaginations de l'âge précédent. Les Byzantins conservèrent la tradition de l'art sacré, mais elle passa également aux Syriaques, et par eux aux Arabes. Ceux-ci adoptèrent surtout la forme rationnelle. Leur grand alchimiste, au Xe siècle, Abou Moussa Djaber ben Hayyan ex-Soufi, Geber, semble au reste un pur charlatan. Il multiplie les écrits pour dire dans chacun qu'il va cette fois exposer d'une façon absolument claire ce qu'il n'a dit ailleurs que plus ou moins obscurément. Il se lance dans des digressions étrangères au sujet où il fait montre d'une érudition sérieuse et qui sont d'ailleurs parfaitement limpides. Mais quand il arrive à la question annoncée, il se borne à lui consacrer quelques phrases énigmatiques ou bien il entame une vague allégorie dont il n'y a rien de positif à tirer. Dans l'Occident latin, il existait, antérieurement en relation avec les Arabes, des recueils de procédés techniques, comme les Compositiones ad Tingenda, la Mappae Clavicula, clé de la peinture, manuscrits des 8e et 10e siècles, qui ont transmis des textes contemporains de la dernière période de l'Empire romain, et dont une partie avait été traduite du grec. Ils correspondent aux recueils analogues qui avaient servi de point de départ aux doctrines alchimiques. Il ne semble pas qu'il y ait jamais eu, au moins en Italie, solution de continuité dans les traditions techniques des orfèvres, des peintres, des scribes et des céramistes, pas plus qu'il n'y en a eu pour les recettes de thérapeutiques et de matières médicales, ou pour celles des arts militaires et en particulier des formules incendiaires. Quant aux doctrines alchimiques proprement dites, elles ne furent introduites dans l'Occident latin qu'à la fin du XIIe siècle par des traductions d'écrits arabes. La collection des alchimistes grecs resta inconnue jusqu'au XVIe siècle. Il est particulièrement curieux qu'au XIVe, elle s'augmentait chez les Byzantins d'une traduction d'un écrit latin attribué à Albert le Grand. Parmi les écrits authentiques de ce dernier, il en est un, le traité De Mineralibus, où il discute longuement les opinions alchimiques et finit par en contester la réalité d'après sa propre expérience des faits. Vincent de Beauvais met de même en doute les doctrines qu'il expose. Roger Bacon est également sceptique à l'endroit de l'alchimie. Ainsi, les meilleurs esprits du XIIIe siècle, tout en admettant la possibilité de la transmutation, doutent qu'elle ait été effectivement réalisée. À la fin du même siècle, les préparations connues sont à peu près les mêmes que celles des alchimistes grecs. Quoique certains procédés soient perfectionnés et que les appareils ne soient plus tout à fait aussi primitifs, on ne peut dire que les Arabes aient réalisé des progrès décisifs. Ce que l'on a surtout débrouillé, c'est la distinction entre les différents sels, le sel marin, les alcalins, le sulfate de soude, le salpêtre, que les anciens ne savaient pas fabriquer et qui fait la base du feu grégeois, invention byzantine. Le sel ammoniaque et le sublimé corrosif sont également d'usage courant. Les eaux-fortes forment au contraire encore un chaos où l'on confond les polysulfures alcalins ou sulfarsénites, eau divine des alchimistes grecs, le vinaigre, les solutions alcalines, celles des alins et des vitrioles, etc. L'alcool, terme qui n'apparaît pas pour l'esprit de vin avant le XVe siècle, est connu sous le nom d'eau ardente. Arnaud de Villeneuve lui donna entre autres celui d'eau de vie pour l'assimiler au prétendu élixir de longue vie, rêve de l'ancienne Égypte, dont Diodore de Sicile attribue l'invention à Isis, et dont la recherche commença à être liée par les Arabes à celle de la pierre philosophale, l'agent de la transmutation cherchée. Au XIVe et au XVe siècle s'accomplit un travail dont il est difficile de préciser l'historique parce que les ouvrages du temps sont la plupart pseudépigraphes, sous le nom de Geber, d'Albert le Grand, de Raymond Lulle, etc. Au point de vue positif, le résultat le plus marquant est l'acquisition de la notion précise des acides sulfuriques, huile de vitriol, chlorhydrique, esprit de sel, azotique, eau forte, et de leurs sels métalliques bien définis. Les premières indications à ce sujet dans les ouvrages authentiques d'Arnaud de Villeneuve, 1238-1314, sont vagues et confuses. Au point de vue théorique, il y a développement d'une doctrine qui joua un rôle prépondérant jusqu'au XVIIIe siècle et qui est attribuée à Geber, tandis qu'elle se trouve en contradiction avec les écrits authentiques de ce dernier. Elle s'est incontestablement formée dans l'Occident latin et remonte au plus haut, au XIIIe siècle, Summa de Geber, quoiqu'on puisse en trouver quelques germes indécis dans les ouvrages arabes antérieurs. L'auteur de la Summa est un esprit très ferme et très lucide. Il expose ses opinions avec une méthode scolastique, si l'on veut, mais qui n'en est pas moins très claire. Les faits et les idées sont logiquement coordonnés. La pensée, fidèlement servie par les expressions, est solidement assise sur des connaissances positives supérieures à celles des Arabes. La thèse fondamentale est la suivante. Si la transmutation est possible, elle ne s'obtiendra qu'en imitant l'action de la nature, ou plutôt c'est celle-ci qui agira elle-même si nous disposons les matériaux et les conditions, nous qui sommes ses ministres, mot que reprendra Bacon. Ainsi se trouve écartée tout d'abord la croyance aux effets surnaturels et les rêveries mystiques jusqu'à leur compagne presque inséparable de l'alchimie. Il s'agit donc de savoir comment la nature a procédé pour former les métaux. Les anciens, il s'agit d'Avicenne, au XIe siècle, car la doctrine en question ne remonte pas plus haut, admettait deux principes, l'esprit fétide, soufre, et l'eau vive, mercure, qui, suivant leurs proportions relatives, leur pureté et leur couleur, engendreraient les six métaux, or, argent, cuivre, fer, plomb, étain. Le pseudo-Geber estime qu'il faut entendre le soufre et le mercure, non pas dans leur état naturel, mais altérés et changés en une terre correspondante. De ces terres, sous l'influence de la chaleur, se dégageraient deux fumées très subtiles, matière immédiate des métaux. Il pense d'ailleurs qu'à ces deux principes, il faut en ajouter un troisième, congénère du soufre, l'arsenic. Ces trois principes doivent enfin eux-mêmes être regardés comme composés des quatre éléments aristotéliques, mais ils le sont de telle sorte que l'union est indissoluble. Ainsi se trouve expressément formulée la croyance à l'existence de certains corps déterminés, valant comme principes simples et susceptibles d'être isolés par des préparations convenables. C'est le postulat de la chimie moderne. Jusqu'alors, il faisait défaut, car l'homogénéité des quatre éléments n'avait jamais été établie doctrinalement, et les hypothèses à ce sujet ne pouvaient aboutir sur le terrain de la pratique. Sans doute, cette théorie nouvelle des principes chimiques devait, pendant longtemps, manquer d'une méthode scientifique propre à résoudre le problème posé. Elle n'en constituait pas moins un progrès notable pour l'époque, et si elle avait été mise sous le nom vénéré de Geber, elle doit être restituée sûrement à l'école mal connue des alchimistes du Moyen Âge. Cette école, d'après ce qu'on entrevoit, paraît s'être formée en Italie au XIIe siècle, vers Crémone, dans quelques couvents de moines traducteurs d'ouvrages arabes. Elle se perpétua avec le mystère qui devait nécessairement envelopper des pratiques propres à faire soupçonner de sorcellerie, tandis que les théories se répandirent librement car elles n'ébranlaient nullement les doctrines dominantes. Les progrès positifs durent se réaliser surtout dans les contrées où l'industrie des mines était florissante, donc en Allemagne, où apparaissent surtout les chimistes au XVIe siècle, et en Catalogne, disciple de Raymond Lull. En dehors de la métallurgie, la préparation des remèdes donnait une autre occasion de recherches analogues, mais portant sur un autre terrain. Toutefois, les spagyriques, comme on les appela plus tard, commencent à peine à se faire jour. Conclusion. Nous négligerons, pour cette période des XIVe et XVe siècles, les sciences naturelles proprement dites, ainsi que la médecine. Cette dernière, il est à peine besoin de le dire, continue à être professée dans les écoles que son enseignement avait rendu déjà célèbre. De nouveaux centres se formèrent dans les universités pour répandre des connaissances dont l'utilité ne pouvait être contestée. Les traités des Arabes ou les traductions qu'ils avaient faites des écrits grecs jouèrent un grand rôle dans cet enseignement. Mais l'évolution qui s'accomplit pour leur adaptation aux formes d'esprit du Moyen-Âge ne présente aucun trait saillant qui mérite d'être particulièrement mis en lumière. Quant à la connaissance des plantes et des animaux, on se contente également des traditions de l'Antiquité, mélangées des fables et des superstitions recueillies dans les bestiaires et autres ouvrages analogues. Il faut attendre que la découverte du Nouveau Monde et les voyages aux Indes apportent de nouveaux documents et éveillent une curiosité profitable au progrès scientifique. En résumé, le grand vice de la science du Moyen-Âge, aussi bien pour les mathématiques que pour la connaissance de la nature, et surtout d'être, comme nous l'avons dit, une science livresque. On étudie les auteurs, mais on n'a point de méthode assurée pour y discerner le vrai du faux, pour faire de nouvelles découvertes, ou pour réformer les erreurs traditionnelles. Les idées neuves ne font pas défaut, mais bien rares sont celles qui sont susceptibles d'une suite féconde. On sent l'imperfection des connaissances et la nécessité de les asseoir sur une base solide. On ne méconnaît point le rôle que pourrait jouer l'expérience si on savait s'y prendre, mais c'est précisément ce qu'on ignore. Fin de la section 22.